La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur la radio des bons coups pour la bonne lecture du soir. Ce soir, nous terminons ensemble notre nouvelle d'Agatha Christie qui s'appelait Le retour d'Hercule Poirot. Notre ami Monsieur Poirot a résolu le mystère du meurtre de Sœur Reuben et on attend qu'il nous l'explique dans ce chapitre 13. Après le départ de son ami, Poirot sonna Georges. « Une tasse de tisane, Georges, s'il vous plaît. J'ai les nerfs en pelote. »« Mais oui, monsieur, je vous l'apporte tout de suite. » Il revint 10 minutes plus tard, apportant à son maître une tasse pleine d'un liquide fumant. Poirot en aspira les vapeurs avec délice. Ici, mon bon Georges, notre méthode doit s'inspirer de celle du chat. Il passe des heures longues et lassantes devant le trou de la souris. Il ne bouge pas, ne manifeste aucune velléité, mais il ne s'éloigne pas. Poirot soupira et posa la tasse vide dans la soucoupe. Je vous avais dit de faire ma valise pour quelques jours. Demain, mon bon Georges, vous irez à Londres et vous me rapporterez ce qu'il me faut pour 2 semaines. Très bien, monsieur, dit Georges, toujours impassible. La présence permanente, semblait-il, de Poirot à Mont-Repos inquiétait beaucoup de gens. Victor Astol protesta auprès de sa belle-sœur. « C'est très joli tout ça, Nancy. Mais vous ne savez pas ce que sont les types de cette espèce. Il a trouvé ici une résidence agréable. Il va s'y incruster confortablement pendant 1 mois, tout en vous faisant payer plusieurs guinées par jour. » La réponse de Lady Astol précisait qu'elle se sentait capable de diriger ses affaires toute seule. Lily Margrave s'efforçait de dissimuler son anxiété. Sur le moment, elle s'était persuadée que Poirot la croyait. Maintenant, elle en était moins sûre. Le jeu de Poirot n'avait rien de rassurant. 5 jours après son arrivée, il descendit au salon, en guise de distraction après dîner, un petit album dactyloscopique. C'était un moyen peu subtil d'obtenir les empreintes digitales de toute la maison. Personne ne pouvait se permettre de refuser l'impression des siennes. Une fois le petit homme parti se coucher, Victor dit ce qu'il en pensait. « Vous comprenez ce que ça veut dire, Nancy. C'est l'un de nous qu'il soupçonne. Vous êtes idiot, Victor. Enfin, quel autre sens pourrait avoir son sacré petit bouquin ?»« Monsieur Poirot, c'est ce qu'il fait, » déclara Lady Astwell en jetant sur Tréfusis un regard significatif. Une autre fois, Poirot imagina un jeu qui consistait à relever les empreintes des semelles sur une feuille de papier. Le lendemain, entrant selon son habitude à pas de loup dans la bibliothèque, il épouvanta Tréfusis, qui sursauta dans son fauteuil comme s'il recevait une décharge de plomb dans le derrière. « Il faut m'excuser, monsieur Poirot, » dit-il avec une certaine affection, « mais vous finirez par nous donner à tous une maladie de cœur. »« Comment cela ?» demanda l'autre innocemment. « J'avoue, » dit le secrétaire, « que je croyais l'épreuve relevée contre Charles Leverson écrasante. » Il semble que vous n'êtes pas de cet avis. » Poirot, qui regardait par la fenêtre, se retourna brusquement. « Monsieur Tréfusis, je vais vous dire quelque chose en confidence. » « Oui. » Poirot ne semblait pas pressé de parler. Quand il s'y décida, ses premiers mots coïncidèrent avec le bruit de la porte d'entrée qu'on ouvrait et qu'on refermait bruyamment et échappèrent à Tréfusis. Il reprit à haute et intelligible voix, bien qu'il parlât en confidence. « Je veux vous confier ceci. « Monsieur Tréfusis, nous avons une donnée nouvelle qui semble prouver que lorsque Charles Leverson est entré vers minuit dans la salle de la tour, Sœur Reuben était déjà mort. » Le secrétaire le regarda avec des yeux fixes. « Mais quelle donnée? Pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler ?»« Vous en entendrez parler, » dit le petit homme sur un ton mystérieux. « En attendant, vous et moi seuls connaissons ce secret. » Il sortit vivement de la bibliothèque et faillit entrer en collision avec Victor Astwell. « Vous venez de rentrer, monsieur Astwell ?»« Oui. Il fait un sale temps, froid et venteux. »« Alors, je n'irai pas me promener aujourd'hui. Moi, je suis comme un chat. J'aime m'asseoir près du feu et rester au chaud. » Le soir, Poirot dit à son fidèle valet. « Ça marche, Georges. Ils sont sur des charbons ardents. C'est dur, mon bon Georges, de jouer le rôle du chat. » Le jeu de l'attente met ça en merveilleusement. Demain, nous essaierons un nouvel effet. Le lendemain, Tréfusis fut obligé d'aller à Londres. il prit le même train que Victor Astwell. À peine eurent-ils quitté la maison que Poirot fut pris d'une activité frénétique. « Venez, Georges, au travail. Si une femme de chambre approche, arrêtez-la. Dites-lui n'importe quelle galanterie et arrangez-vous pour qu'elle reste dans le couloir. » Il alla d'abord dans la chambre du secrétaire et entreprit une fouille minutieuse. Tous les tiroirs, toutes les étagères y passèrent. Puis, en hâte, il remit tout en place et déclara ses recherches terminées. Georges, qui faisait le guet à la porte, se permit de tousser avec déférence. « Excusez-moi, monsieur. »« Oui, mon bon Georges. Ce sont les chaussures, monsieur. Les deux paires de souliers marrons étaient sur la seconde étagère et des souliers de cuir noir sur l'étagère de dessous. En les remettant en place, vous les avez intervertis. » « Vous êtes épatant, » déclara Poirot. « Mais ne nous inquiétons pas de ça. C'est sans importance, je vous l'assure. Monsieur Tréfousis ne remarquera jamais de tels détails. » « Comme vous voudrez, monsieur. C'est votre métier à vous de les remarquer, et c'est tout à votre honneur, » dit Poirot d'un ton encourageant. Le domestique ne répondit pas, et quelques minutes plus tard, comme le même fait se produisait dans la chambre de Victor Astwell, il ne se permit aucune remarque. Dans le second cas, pourtant, les événements donnèrent raison au valet contre le maître. Victor arriva dans le salon comme un ouragan. « Dis donc, espèce de pantin, sale petit belge » hurla-t-il. « Qui vous a permis de farfouiller dans mes affaires? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que diable vous croyez que vous allez y trouver? Je ne veux pas de ça, vous entendez? Voilà ce qui arrive quand on garde chez soi une espèce de sale petit espion qui fourre son nez partout. » Les mains tendues en un geste éloquent vers Victor Astwell, Poirot se confondait en excuses. Les mots sortaient de sa bouche en un torrent tumultueux. Il demanda pardon 100 fois, pardon 1000 fois, 1 million de fois. Il s'était montré indiscret, maladroit, bêtement zélé. Il en était navré et confus. Il s'était permis une liberté injustifiable, tant et si bien que Victor, toujours furieux, fut pourtant obligé de se calmer. Le soir, en sirotant sa tisane, Poirot dit tout bas à son fidèle valet : « Ça marche, mon bon Georges, ça marche. » « Le vendredi est mon jour de chance, » déclara Poirot le lendemain matin. « Vraiment, monsieur? Vous n'êtes peut-être pas superstitieux, mon bon Georges. Je préfère qu'on ne soit pas très à table et je n'aime pas passer sous les échelles. Mais le vendredi m'est indifférent. » « C'est bien. Aujourd'hui, voyez-vous, pour nous, c'est la victoire. »« Vraiment, monsieur? Et vous ne me demandez même pas ce que j'ai l'intention de faire. » « Qu'est-ce que ça va être, monsieur? » « Aujourd'hui, Georges, je vais faire une perquisition totale dans la salle de la tour. » En effet, avec la permission de Lady Astwell, Poirot se rendit, après le petit déjeuner, sur le lieu du crime. Là, en passant dans le corridor, on put le voir tantôt à 4 pattes sur le tapis, tantôt juché sur les sièges les plus hauts, examiner minutieusement tout ce qui se trouvait dans la pièce, décrocher les cadres, palper les rideaux. Pour la première fois, Lady Astwell se sentit nerveuse. « Je dois l'admettre, » dit-elle, « il finit par me taper sur les nerfs. Il a une idée dans la tête, mais je ne vois pas ce que c'est. Cette façon qu'il a de se traîner sur le sol comme certains chiens me donne froid dans le dos. Qu'est-ce qu'il cherche? Je voudrais bien le savoir. Lily, ma chérie, montez s'il vous plaît, voir ce qu'il fait en ce moment. Non, à tout prendre, j'aime mieux que vous restiez avec moi. Voulez-vous que j'y aille, Lady Astwell ?» demanda Tréfousis en se levant. « Si vous voulez bien, monsieur Tréfousis. » Owen Tréfousis monta jusqu'à la salle de la tour. Il crut d'abord qu'il n'y avait personne, pas trace d'Hercule Poirot. Il allait redescendre lorsqu'il entendit du bruit et vit le petit Belge à mi-hauteur de l'escalier en colimaçon qui conduisait à la chambre à coucher. Poirot, toujours à 4 pattes, examinait à la loupe quelque chose sur une des marches, à côté du tapis. Avec un petit grognement, il remit la loupe dans sa poche et se releva, tenant un objet minuscule entre le pouce et l'index. C'est à ce moment qu'il aperçut Tréfousis. « Ah, monsieur Tréfousis, je ne vous avais pas entendu entrer. » Poirot était soudain devenu un autre homme. Il triomphait, il exultait. Tréfousis le considéra, abasourdi. « Qu'y a-t-il, monsieur Poirot? Vous avez l'air bien content. » Le petit homme bomba le torse. « Je le suis. Voyez-vous, j'ai enfin trouvé ce que je cherche depuis le premier jour. J'ai là, entre mes 2 doigts, la seule chose qui m'était indispensable pour confondre le criminel. « Alors, » dit Tréfousis en levant les yeux, « ce n'est pas Charles Leverson ?»« Ce n'est pas lui. Jusqu'à l'instant présent, bien que je le connaisse, je n'étais pas certain du nom de l'assassin. Enfin, tout est clair. Il descendit les dernières marches et tapa sur l'épaule du secrétaire. Je suis forcée d'aller immédiatement à Londres. Demandez de ma part à Lady Astwell que tout le monde soit rassemblé ce soir à 9h dans la salle de la tour. À ce moment-là, je serai rentrée et je révélerai la vérité. Ah, je suis bien content. Là-dessus, Poirot se mit à exécuter quelques pas d'une danse fantastique et sortit en courant, laissant Owen Trefusis éberlué. Quelques minutes après cette scène, le détective revint dans la bibliothèque et demanda si on pouvait lui procurer une petite boîte en carton. « Je n'en ai malheureusement aucune sous la main, » expliqua-t-il, « et j'en ai absolument besoin pour ranger un objet de grande valeur. » Trefusis découvrit ce qu'il désirait dans un tiroir du bureau. Poirot s'en déclara enchanté. Il monta 4 à 4 et trouva Georges sur le palier du premier étage. Il lui confia son trésor. « Il y a là-dedans une chose d'une inestimable valeur. Mon bon Georges, rangez cette boîte dans le deuxième tiroir de la table de toilette, à côté de l'écran où sont mes boutons de chemise en perles. » « Très bien, monsieur. Faites très attention. Ce qu'il y a là-dedans conduira un assassin à la potence. »« Ah, vraiment, monsieur ?» Poirot descendit au galop, saisit son chapeau et partit comme un trait. Son retour fut plus discret. Selon ses ordres, le fidèle Georges l'accueillit et le fit entrer par la porte de service. « Ils sont tous dans la salle de la tour ?»« Tous ?»« Oui, monsieur. » Ils échangèrent quelques mots à voix basse et Poirot se rendit avec une allure victorieuse dans cette salle où le crime avait eu lieu, moins d'un mois auparavant. Il parcourut la pièce du regard. Tout le monde était là. Lady Astwell, Victor Astwell, Lily Margrave, le secrétaire et Parson, le maître d'hôtel. Ce dernier restait incertain auprès de la porte. « Monsieur, Georges m'a dit qu'on aurait besoin de moi ici. Je ne sais pas si c'est vrai, » dit-il dès que Poirot apparut. « C'est vrai, » dit le détective. « Je vous prie de rester. » Il s'avança jusqu'au milieu de la salle. « Cette affaire, » dit-il en pesant ses mots, « a été pour moi du plus haut intérêt, parce que n'importe qui pouvait avoir assassiné Sir Robin Astwell. Qui hérite de ses biens ? Lady Astwell et Charles Leverson. Qui est resté le plus tard avec lui cette nuit-là ? Lady Astwell. Qui a eu une dispute violente ? Encore Lady Astwell. « Qu'est-ce que vous racontez ?» cria Lady Astwell. « Je ne comprends pas, je... »« Mais un autre s'est disputé avec Sir Ruben, » continua Poirot. « Un autre l'a quitté cette nuit-là, blême de rage. » En supposant que Lady Astwell a laissé son mari vivant à minuit moins le quart, 10 minutes se seraient encore écoulées avant le retour de M. Charles Leverson. 10 minutes, pendant lesquelles il était possible à un autre de descendre furtivement du second étage, d'accomplir son crime et de retourner dans sa chambre. Victor Astwell sauta en l'air en criant « Qu'est-ce que, nom de nom ?» Il se tut, étouffant de colère. « Monsieur Astwell, en Afrique occidentale, il vous est arrivé de tuer un homme dans un moment de fureur. » Lily Margrave poussa un cri. « Je ne le crois pas. » Elle se leva, les poings serrés et les joues en feu. « Je ne le crois pas, » répéta-t-elle. Et elle vint se placer tout près de Victor Astwell. « C'est vrai, Lily. Mais il y a une chose que cet individu ignore. L'homme que j'ai tué était un sorcier qui venait de massacrer 15 enfants. J'estime que mon acte était justifié. » Lily s'approcha de Poirot. « Monsieur Poirot, vous vous trompez. Ce n'est pas une raison, parce qu'un homme a un caractère ardent, parce que de temps en temps il éclate et dit n'importe quoi, pour qu'il soit capable d'un meurtre. Je le sais positivement. Je vous l'affirme que Monsieur Astwell est incapable d'un acte pareil. » Poirot la considéra avec un curieux sourire, puis il lui prit la main et la caressa doucement. « Vous voyez, mademoiselle, » dit-il gentiment, « vous aussi, vous avez vos intuitions. Vous avez confiance en M. Astwell, n'est-ce pas ?» Lily s'était calmée. « M. Astwell est un brave homme, » dit-elle, « et il est honnête. Il n'a rien à voir avec l'administration des gisements d'Empala. Il est foncièrement droit et je lui ai promis de devenir sa femme. » Victor Astwell prit l'autre main de la jeune fille. « Monsieur Poirot, dit-il, devant Dieu, je vous jure que je n'ai pas tué mon frère. » « Je le sais, » dit Poirot. D'un regard, il parcourut toute la salle. « Écoutez-moi, mes amis. En état de transe hypnotique, Lady Astwell a fait mention d'un rideau étrangement gonflé qu'elle aurait vu cette nuit-là. » Tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre. « Vous voulez dire qu'il y avait un cambrioleur de caché là derrière ? Quelle solution magnifique ! S'écria Victor Astwell. Ce n'était pas Seridula, dit doucement Poirot. Il montra alors la portière qui masquait le petit escalier. Sir Reuben avait dormi dans la chambre de la haut la nuit précédente. Il avait pris son breakfast au lit et avait fait appeler M. Trefusis pour lui donner des instructions. Je ne sais pas ce que M. Trefusis a laissé dans cette chambre, mais il y a laissé quelque chose. Le soir, après avoir salué Sir Reuben et Lady Astwell, il s'en est souvenu et il est monté chercher l'objet. Je crois que ni le mari ni la femme ne s'en aperçurent, car ils avaient entamé une discussion passionnée. Lorsque M. Trefusis est redescendu, la querelle s'était envenimée, et le fait que les deux époux se jetaient à la figure des choses particulièrement intimes et personnelles plaçait M. Trefusis dans une situation fort embarrassante. Il comprenait clairement que tous deux le croyaient couché depuis longtemps. Craignant de déchaîner contre lui la colère de Sir Reuben, il prit le parti de rester où il était et de s'esquiver aussitôt qu'il en aurait la possibilité. Il était derrière ce rideau, et lorsqu'elle quitta la pièce, Lady Astwell, sans même en avoir conscience, fut frappée par sa forme inaccoutumée. Après le départ de Lady Astwell, M. Trefusis tenta de s'échapper sans être vu. Mais Sir Reuben tourna la tête et le vit. Déjà de mauvaise humeur, il entra dans une fureur terrible et couvrit des plus cruelles injures son secrétaire, l'accusant d'écouter aux portes et de n'être qu'un espion. La psychologie me passionne. Tout au long de mes investigations, j'ai cherché non pas l'individu coléreux pour qui la colère constitue une soupape de sûreté, le chien qui aboie ne mord pas. Non, j'ai cherché l'homme doux, celui qui pratique la patience, la maîtrise de soi, l'homme qui pendant 9 ans avait joué le rôle du souffre-douleur, l'effort le plus usant et l'effort constant et durable, le pire ressentiment, celui qui s'accumule lentement jour après jour. Pendant 9 ans, Sir Reuben n'a pas cessé de rudoyer son secrétaire, de le malmener. Et pendant 9 ans, cet homme l'a supporté en silence. Mais un moment arrive où le ressort se brise, où la corde trop tendue se casse. C'est ce qui est arrivé cette affreuse nuit-là. Sir Reuben reprend sa place devant son bureau, mais le secrétaire, au lieu de se diriger docilement, humblement vers la porte, décroche l'énorme massue de bois et abat l'homme qui l'a maltraité une fois de trop. Poirot se tourna vers Trefusis qui le regardait pétrifié. Votre alibi était si simple. Monsieur Victor Astwell vous croyait dans votre chambre. Pourtant, personne ne vous avait vu y aller. Vous sortiez de la salle de la tour après avoir frappé Sir Reuben lorsque vous avez entendu du bruit. Et vous êtes revenu aussitôt vous cacher derrière la portière. Vous y étiez lorsque Charles Leverson entra. Vous y étiez lorsque Lady Margrave vint à son tour. Ce n'est que longtemps après que vous êtes glissé sans bruit dans votre chambre. Le niez-vous ? Je n'ai jamais... Allons, finissons-en, dit Poirot. Il y a 2 semaines que je joue la comédie. Je vous ai fait voir le filet qui se refermait sur vous. Les empreintes digitales, celles des semelles, la fouille de votre chambre et vos affaires remises en place avec art. J'ai semé en vous la terreur. Vous avez passé des nuits blanches, supputant, redoutant tout. N'aviez-vous pas laissé des empreintes dans la salle de la tour ? Des traces de vos chaussures ailleurs ? Toujours et encore, vous reveniez sur les événements, vous demandant ce que vous aviez fait ou ce que vous aviez négligé de faire. Et vous en êtes arrivé au faux pas que j'attendais. Cet après-midi, j'ai reconnu la terreur dans vos yeux lorsque vous m'avez vu ramasser quelque chose dans cet escalier où vous êtes resté si longtemps caché. Alors, j'ai monté cet incident en épingle, c'est bien le cas de le dire. Il m'a fallu une petite boîte. Je l'ai confié à Georges et je suis sortie. Poirot appela. Georges ? Me voici, monsieur. Répétez, je vous prie, à ces messieurs et à ces dames, les instructions que je vous ai données en sortant. Vous m'avez dit, monsieur, de rester caché dans la penderie de votre chambre après avoir placé la boîte là où vous me l'aviez dit. À 3h15, monsieur Trefusis est entré. Il est allé tout droit au tiroir et a pris la boîte en question. Et dans cette boîte, enchaîna Poirot, il y avait une épingle ordinaire. Je dis toujours la vérité, j'avais bien ramassé quelque chose dans l'escalier. Ramasser une épingle. On dit que ça porte chance. J'ai de la chance, puisque j'ai découvert le meurtrier. Il se tourna vers le secrétaire. Voyez-vous, dit-il, vous vous êtes trahi. Subitement, Trefusis s'écroula sur un siège. Il sanglotait, le visage enfoui dans ses mains. « J'ai été fou, » gémit-il. « J'ai été fou. Mais, oh mon Dieu, il m'a harcelé, il m'a torturé au-delà des forces humaines. Et pendant des années, je le détestais. Je l'exécrais. » « Je le savais bien, » s'écria Lady Astwell. Elle se leva, le visage rayonnant d'un triomphe sauvage. « Je savais que cet homme était l'assassin. »« Vous aviez raison, » dit Poirot. « On peut donner aux choses des noms différents. Cela n'y change rien. Votre intuition était juste, Lady Astwell. Je vous en félicite. » Et c'est ici que se termine notre nouvelle d'Agatha Christie. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, en tout cas, c'était très plaisant. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la radio des bons coups. Bonne soirée. La lecture du soir sur la radio des bons coups. La bonne lecture. Pour s'endormir tout en écoutant. La lecture du soir avec Mona et Louison. Bonsoir, bienvenue sur les lectures nocturnes de Radio Boncoup. Ce soir, c'est un épisode un peu spécial, car c'est le dernier chapitre de cette palpitante histoire harlequin. Mais laissez-moi vous faire un petit résumé de l'épisode précédent avant de vous plonger avec une mélancolie naissante dans ces dernières pages. Hier, donc, nous avons laissé nos personnages en pleine scène post-coïtale encore une fois. Ils semblaient avoir trouvé un équilibre dans leur relation. Corey les avait surpris en train de s'embrasser mais ne semblait pas plus perturbé que cela. Alex avait finalement appris à Messi que si son père n'était jamais revenu la chercher, c'est parce qu'il était mort et qu'il ne l'avait donc pas abandonnée. Puis Alex avait consolé la jeune femme et une chose en entraînant une autre, ils avaient fini par Ken. Ce qui nous mène donc à la scène post-coïtale dans laquelle nous les avions laissés, où Messi doit quitter la couche avec regret car l'alarme du dispensaire s'est déclenchée et elle doit aller sur place pour la couper. Voilà, maintenant que vous êtes à jour, on y retourne pour la dernière fois. Quand Messi arriva devant le dispensaire, la porte d'entrée était grande ouverte, mais la jeune femme n'y prêta guère attention. Sa seule idée était d'arrêter l'alarme, de verrouiller de nouveau la porte et de vite rentrer chez elle pour retrouver Alex. Elle gravit rapidement les marches et alluma. La lumière du plafonnier inonda la salle d'attente et Messi sursauta, choqué par la vue qui s'offrait à ses yeux. Des dossiers jonchaient le parquet et l'on avait fracturé les meubles classeurs vitrés du comptoir d'accueil. Consternée, elle s'avança dans la pièce, foulant des documents éparpillés et du verre brisé. Des traces de sang, des gouttes minuscules mais rendues inquiétantes sous la lumière crue du plafonnier, la guidèrent vers le fond du dispensaire. Elle pensa un instant à demander à Alex de la rejoindre, mais il s'agissait sûrement d'une personne blessée qui était venue chercher de l'aide. Et son instinct de médecin prit le dessus. Elle trouva l'homme affaissé sur le seuil de la salle d'examen numéro 2. Il était jeune et très maigre. Des cernes sombres masquaient le dessous de ses yeux, et la pâleur de son visage faisait ressortir une acné envahissante. Il portait une combinaison de travail maculée de taches. Ses cheveux blonds et ses ongles étaient extrêmement sales. Sa main portait une trace de coupure, et il avait essayé d'arrêter l'hémorragie avec des mouchoirs en papier. Messi laissa échapper un soupir résigné et se pencha pour l'examiner. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme à peu près régulier. Il ne se trouvait donc pas en détresse respiratoire. Il semblait dormir. Une odeur de graisse, d'huile et de crasse se dégageait de lui, mais aucune odeur d'alcool. Mais de toute évidence, il se trouvait sous l'emprise d'une drogue quelconque. C'était sûrement pour trouver ce genre de substance qu'il s'était introduit dans le dispensaire. L'espace de quelques secondes, elle eut peur. Certains drogués en manque pouvaient avoir des réactions violentes parfois. Mais la maigreur et la fragilité de l'homme la rassurèrent quelque peu, et elle décida de l'examiner. Mais à peine eut-elle posé la main sur la poitrine de l'inconnu que, d'un geste brusque, celui-ci la saisit par le poignet et la fit tomber. Elle se retrouva face contre terre, et l'homme, plus fort qu'il n'en avait l'air, la tint plaquée au sol. « Je ne veux pas vous faire de mal, » dit-il, la voix tremblante de panique. « Je veux juste sortir d'ici. » Sous son poids, Messi avait du mal à respirer. « Je ne dirai rien, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en, nous n'avons rien qui vous intéresse ici. » L'homme desserrait sa pression quand une voix résonna devant le dispensaire. « Docteur Jackson, avez-vous besoin d'aide ?» Non, c'est un mât. » Messi ne put terminer sa phrase, car l'homme l'avait bâillonné de sa main sale. Comme elle ne lui avait pas signalé que tout allait bien au dispensaire, l'entreprise de surveillance avait dû appeler le bureau du shérif. Son agresseur laissa échapper un juron et la remit debout sans ménagement. Puis il sortit un couteau et le posa sur sa gorge. « Je ne voulais pas en arriver là, mais vous allez être mon ticket de sortie. Tenez-vous tranquille si vous voulez que nous sortions entiers de ce guépier. » Alex arpentait le séjour en attendant que Messi revienne. Elle n'avait que quelques minutes de retard par rapport à l'heure annoncée, mais il éprouvait un curieux picotement dans la nuque. Cette sensation qu'il avait parfois connue pendant les combats l'avait rendu prudent et lui avait probablement sauvé la vie plus d'une fois. Mais cette fois, ce n'était pas sa vie à lui qui se trouvait en danger. C'était celle de Messi. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Il était bloqué là, à jouer les babysitters. Depuis la cuisine, il regarda par la fenêtre la maison de sa grand-mère. Sa cuisine n'était pas éclairée, donc elle n'était pas encore rentrée. Un autre regard par la porte d'entrée lui apprit que la vieille voiture n'était pas garée dans la rue. Aucune aide à espérer de ce côté-là. Pourtant, il ne pouvait pas laisser Cory tout seul. Il sortit dans l'allée devant la maison. La plupart des voisins, âgés, se couchaient tôt apparemment. Une seule maison avait encore de la lumière aux fenêtres. C'était celle de Madame Johnson. Il se hâta d'aller frapper à sa porte. Messi commença à avoir du mal à respirer. L'homme, qui s'appelait Jason, à en croire le nom brodé sur la poche de sa combinaison, l'entraîna vers la porte d'entrée. Il existait une autre porte, mais elle évita d'en parler. Au moins, s'il sortait par devant, il y aurait quelqu'un pour l'intervenir. En tout cas, elle l'espérait. Un policier, debout sur le seuil, s'écarta en voyant le couteau sur sa gorge. « Laissez partir le docteur. Ne nous obligez pas à vous faire du mal, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Le cœur de Messi battait si fort qu'il lui semblait que tout le monde l'entendait. Soudain, elle perçut le bruit d'une voiture. Des renforts, peut-être ? Des éclats intermittents de lumière bleue confirmèrent cet espoir. « Reculez !» cria Jason, dont la voix trahissait une sourde panique. « Je ne veux pas faire de mal au docteur, mais je le ferai si vous m'empêchez de sortir. » Le policier descendit à reculons les marches du perron. « Ça ira, docteur ?» Messi ne put que hocher la tête. Le couteau appuya plus fort sur sa gorge, et elle sentit avec terreur quelque chose de chaud couler le long de son cou. « Faites attention. Le docteur Jackson est très apprécié dans le coin. Si vous lui faites du mal, ça va aggraver votre cas, » reprit le policier. Jason s'apprêtait à répondre quand la voix du shérif Mackie Kern, amplifiée par un haut-parleur, l'arrêta. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?» Messi aperçut le shérif debout derrière la portière ouverte de sa voiture. « Jason. Jason McLeod. » balbutia le jeune homme. « Écoutez, je ne veux pas faire de mal au docteur. Je veux rentrer chez moi. » Malgré la lame qui meurtrissait sa gorge, Messi éprouvait de la pitié pour lui. Apparemment, la pauvreté qui avait marqué sa propre vie frappait encore aujourd'hui. « Lâche le docteur et tout ira bien, » promit le shérif. « Pas question. Vous vous en allez, et dès que je suis sûr que vous êtes parti, je la lâche. »« Vous savez très bien que je ne peux pas accepter cela. » Le shérif abaissa son micro et se tourna vers un autre homme. Il lui parla avant de reprendre le dialogue. « Nous attendrons le temps qu'il faudra. » Puis, croisant les bras, il s'adossa à sa voiture. Poussant Messi, Jason descendit les marches du perron et gagna les briques où frais les pins adjacents au bâtiment. La jeune femme ressentait avec acuité l'extrême agitation de son agresseur. Il resserra son étreinte et elle lutta pour garder son sang-froid. Si elle paniquait maintenant, elle n'était pas très sûre que Jason maîtriserait la situation. Une autre voiture s'arrêta et Jason reporta son attention sur le nouveau venu, ce qui l'obligea à desserrer légèrement la pression de la lame. Messi put respirer plus librement, ce qui lui permit de mettre un peu d'ordre dans ses idées. Il fallait qu'elle sorte de là. Elle avait un fils qu'elle comptait bien voir grandir, et un homme à aimer. Et elle ne voulait pas mourir sans qu'il le sache. C'était une soirée chaude et humide, mais malgré cela, Alex s'était senti glacé jusqu'aux os en voyant la lame sur le cou pâle et tendre de Messi. Cette vision ne fit que renforcer sa détermination. Jamais homme ne fut si content d'avoir reçu un entraînement spécial. Il utiliserait toutes les techniques qu'il connaissait pour tirer la jeune femme des mains de cet homme. Il bouillait de colère, mais il savait mieux que personne que la colère était mauvaise conseillère, surtout dans ces situations-là. Il était plus prudent de garder la tête froide s'il voulait que son plan fonctionne. C'était un plan simple, trop simple même, mais le fou qui retenait Messi n'était sûrement pas en mesure de se livrer à une réflexion approfondie. Regrettant de ne pas avoir d'armes, il glissa quelques mots au shérif et disparut dans l'obscurité. Maintenant, c'était à lui de jouer. Messi tenta de desserrer la pression que Jason exerçait de nouveau sur sa gorge. Il n'avait sûrement pas l'intention de l'étouffer, mais il était trop paniqué pour réfléchir. « Je ne peux pas respirer !» articula-t-elle avec difficulté. Jason avait compris car il desserra la pression. « Merci, » chuchota-t-elle. Il marmonna quelques mots incompréhensibles, parmi lesquels Messi crut discerner un confus « Je suis désolé ». Et une vague de pitié la submergea. Son agresseur, encore tout jeune, n'avait guère eu plus de choix dans la vie que beaucoup d'autres habitants de Lindenville. Il avait juste emprunté le mauvais chemin. Et pourtant, elle percevait en lui une parcelle d'humanité et d'éducation. Le shérif McEachern reprit dans sa voiture le micro du haut-parleur. « Écoutez, MacLeod, nous avons effectué quelques vérifications. À notre connaissance, vous n'avez rien de plus grave à votre actif que deux excès de vitesse. Laissez partir le docteur et nous trouverons une solution. » Jason se raidit, accroissant involontairement la douleur de Messi. « Comment ils le savent ? » murmura-t-il. « Peut plus respirer. » Immédiatement, Jason desserra légèrement son étreinte. « Vous savez, » reprit Messi, « le shérif a raison. Vous n'avez encore rien commis d'irréparable. Je peux me porter garante pour vous. Je peux vous inscrire dans un programme de désintoxication. Nous pouvons vous chercher un travail. » Jason s'immobilisa et parut réfléchir un moment. « Alors, MacLeod, vous acceptez mon marché ou nous appelons l'unité d'intervention ?» demanda le shérif. Messi était sûr qu'il n'y avait pas d'unité d'intervention dans le comité de Darlington et espéra que Jason l'ignorait. Les secondes s'écoulèrent, interminables, pendant que Jason examinait la proposition du shérif. « Quel genre de ma ?» Soudain, Messi put respirer librement. Puis elle vit le couteau projeté dans les airs qui retombait comme dans un film au ralenti. Ensuite, tout se déroula très vite. Alex, qui s'était glissé derrière eux pendant que le shérif McEachern distrayait l'attention de Jason, venait de le désarmer et en un instant, l'avait immobilisé au sol. Les hommes en uniforme sortirent en courant de l'obscurité. « Tout va bien, docteur ? » demanda l'un d'eux pendant que l'on monotait l'homme à terre. « Oui, ça va, » balbutia-t-elle. Le shérif McEachern regarda Alex avec une franche admiration. Avec son genou, il tenait Jason plaqué au sol, les mains dans le dos. « Vous savez, nous aurions besoin d'un homme comme vous dans notre équipe. » Alex sourit. « L'offre est d'entente, shérif, mais il faudra attendre 2 ans. J'ai accepté un emploi à Florence. » Tremblante, Messi sentit son cœur cogner dans sa poitrine, mais cela n'avait plus rien à voir avec la frayeur qu'elle venait de connaître. Alex avait-il vraiment dit qu'il allait rester ? N'avait-elle pas rêvé ? « Alex ?»« Je suis là, chérie, je suis là. » Il referma ses bras autour d'elle et la berça tendrement. « J'ai eu si peur, » murmura-t-elle. « Je n'aurais pas dû m'approcher de lui, mais il saignait. Je me suis dit qu'il avait besoin d'aide. »« Tout va bien maintenant, mon ange. Tu ne risques plus rien. Je te protégerai toujours. » Il souleva doucement le menton de Messi pour qu'elle dise dans ses yeux qu'il ne mentait pas. Puis il l'embrassa. Alex attendait, arpentant le parking devant le dispensaire pendant que le shérif interrogeait Messi. Un ambulancier avait contrôlé l'état de la jeune femme, puis avait posé un pansement sur sa blessure avant de partir pour l'hôpital avec MacLeod. Avant de le mettre en prison, il fallait vérifier qu'il avait agi sous l'influence de drogue. Il ne restait plus à la jeune femme qu'à effectuer un inventaire précis. Mais à première vue, rien n'avait été volé. Avec un bon avocat, le jeune homme pourrait donc voir son inculpation ramenée à une agression et des actes de vandalisme. Malgré la peur qu'elle avait éprouvée ce soir, Messi en fut heureuse. Ce ne serait peut-être pas si mal, après tout, d'offrir une chance au gamin, pensa Alex qui se rappelait sa propre jeunesse tourmentée. Une légère agitation à la porte du dispensaire lui fit lever les yeux. Messi et le shérif venaient de sortir. La jeune femme lui adressa un sourire, puis elle se tourna pour éteindre les lumières et verrouiller la porte. Dans quelques secondes, il pourrait l'emmener chez elle, la demander en mariage dans les formes. Dommage qu'il n'ait pas de bague à lui offrir. Elle le rejoignit, un pâle sourire flottant sur ses lèvres. « C'est terminé pour l'instant. Mais demain, il faudra que j'aille faire une déclaration au bureau du shérif. » Il la prit par les épaules et la sentit trembler. « Tout va bien, chérie. Je serai avec toi à chaque étape du chemin. » En guise de réponse, elle se blottit contre lui et se laissa entraîner vers la voiture. Messi s'était laissée tomber sur le canapé pendant qu'Alex raccompagnait Madame Johnson chez elle. Elle était déjà allée voir Cory pour s'assurer que son fils dormait profondément. Le gravier crissa dans l'allée, Puis il y eut le bruit reconnaissable entre mille des pas d'Alex gravissant deux à deux les marches du perron. Elle alla lui ouvrir et se jeta dans ses bras. Comme c'était merveilleux de se sentir en sécurité, blottie contre lui. Comment avait-elle pu douter de cet homme-là? Elle entendit pousser un profond soupir. « Mais si, j'ai quelque chose à te dire. » Elle l'interrompit en le bâillonnant du bout des doigts. « Non, » murmura-t-elle, la voix enrouée par l'émotion. « Moi d'abord. Ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre. Voilà, je te dois des ex... »« Non, c'est inutile, » la coupa Alex. « C'est important pour moi de le faire. Écoute, je regrette vraiment de ne pas avoir eu assez confiance en toi pour te dire que j'attendais un enfant. » Et merci d'avoir découvert ce qui était arrivé à mon père. C'est sûrement parce que je croyais à son abandon que je n'avais aucune confiance en toi et dans les hommes en général. Si je ne valais pas la peine que mon propre père reste pour s'occuper de moi, comment penser que quelqu'un d'autre aurait envie de le faire? En découvrant la vérité sur mon père, tu m'as prouvé que j'avais tort. Je t'aime. Pas comme l'adolescente entichée de toi, le petit poison qui te suivait partout. Mais comme une femme adulte. Et j'espère que tu m'aimes aussi. Conclut-elle timidement en baissant les yeux. Elle sentit les paumes d'Alex épouser ses joues et lui relever la tête, et son cœur se remplit d'amour en voyant l'infinie tendresse de son sourire et de son regard. Il lui prit les mains et les porta à ses lèvres. « Tu sais bien que oui. Je ne te l'ai pas encore dit, mais je t'aime. Et j'ai bien failli te perdre avant de l'avoir compris. » La tenant toujours doucement par les mains, il reprit d'une voix rauque. « Je t'aime, Messie. » Il semble que les choses soient allées trop vite, mais je pense que j'ai presque toujours été amoureux de toi. Je regrette de ne pas être resté en contact avec toi après notre première nuit d'amour. Mais pour moi, un simple sergent n'était pas digne d'épouser un médecin. Et comme tu ne me plais pas, cela a confirmé mes doutes. Je regrette d'avoir manqué toutes ces années avec toi et notre fils. Je n'ai pas de bague à t'offrir pour sceller ma promesse, mais je veux passer le reste de ma vie avec toi. Peux-tu m'épouser ? Les jambes faibles et le cœur battant la chamade, Messie hocha la tête. « Oui, oui, je veux t'épouser, et je t'aimerai pendant tout le reste de ma vie. » Un sourire naquit lentement sur ses lèvres. « Mais pour l'instant, te souviens-tu de ce que nous faisions quand nous avons été interrompus sur ménagement ?»« Oui, madame. »« Eh bien, sergent, j'aimerais que vous le fassiez de nouveau. »« À vos ordres, madame. » »« Cette fois, Alex Brooker, je veux que vous preniez tout votre temps. » « Vous en sentez-vous capable ?»« Oui, madame, » répondit Alex en riant. « Mais je ne suis pas sûre que vous en soyez capable. »« C'est ce que nous allons voir, » répliqua-t-elle en l'entraînant dans la chambre. Messi et Alex regardaient Cory jouer avec ses cadeaux de Noël au milieu de papiers froissés et de boîtes vides. Les guirlandes lumineuses de l'arbre de Noël clignotaient, égayant la lumière grise du petit matin. Messie poussa un soupir de contentement. Les lèvres d'Alex lui taquinaient le cou, faisant naître de délicieux frissons le long de son dos. « Heureuse ? » murmura-t-il. « Plus qu'heureuse. Je pourrais passer toute ma vie comme ça. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle sérénité. C'est merveilleux de faire partie d'une vraie famille. » Le regard d'Alex brilla un peu plus intensément. « À propos de famille, tu ne crois pas qu'il est temps de donner à Cory un frère ou une sœur ?» Messie s'étira pour déposer un bref baiser sur ses lèvres. « Je ne sais pas, » répondit-elle malicieusement. « Notre petit bonhomme apprécie d'être au centre de l'attention. » Cory, qui examinait ses figurines de soldats toutes neuves, leva les yeux et sourit. « Vous parlez d'une autre surprise, tous les deux ? » « Qu'est-ce qui te fait penser que nous parlons d'une surprise ?» demanda Messie en riant. « Avant Noël, vous chuchotiez tout le temps, et ensuite vous m'avez dit que c'était une surprise et que je devais être patient jusqu'à Noël. C'est Noël maintenant !» Et vous continuez de chuchoter. Nous ne voulions pas t'empêcher d'apprécier tous tes jouets, répondit Alex. As-tu passé un bon Noël, Cory? L'enfant hocha la tête avec enthousiasme. Tu sais quel cadeau était le plus super? Non, mon bonhomme. C'est quand j'ai eu un nouveau nom de famille, Cory Jackson Brooker. Ça me plaît d'avoir un papa comme toi. Et moi, ça me plaît d'avoir un fils comme toi, répondit Alex, la voix enrouée par l'émotion. Cory se releva pour grimper sur les genoux de son père et passa ses bras autour de ses deux parents. « Je vous aime tous les deux, » murmura-t-il. « Moi aussi, je t'aime, » répondit Messie. « Et moi, je vous aime, toi et ta maman. » N'oublie pas grand-mère, rappela Cory. Alex se mit à rire. Comment pourrait-on l'oublier? Si nous ne nous activons pas ce matin, nous ne serons jamais prêts pour déjeuner chez elle. Vous savez qu'elle sert le repas à midi pile, dit Messi. Et elle va râler, mais c'est pour rire, affirma Cory avec le plus grand sérieux. Attends un peu que ton arrière-grand-mère apprenne ça, le menaça Alex en le chatouillant son ménagement. Messi, heureuse, regardait les deux hommes de sa vie qui, elle le savait, ne la boutonneraient jamais. Comme son existence avait changé depuis le retour d'Alex. Il avait suffi d'une tornade. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre immersion en Terre Arlequin. Ce fut une expérience intéressante. Ensemble, nous avons levé le voile sur tout un monde de passions sirupeuses parsemées de clichés sexistes. Et je vous propose à présent que l'on rabatte ce voile et qu'on laisse cette histoire s'évanouir dans la nuit. Mais je ne vous cache pas qu'on ne sort pas indemne d'une telle expérience. Vous porterez toujours au creux de vous un peu du sergent-chef Alex Blocker et du docteur Messi Jackson. Ils font partie de vous à présent, de moi, de nous. Ayant désormais cette certitude que nous sommes liés à jamais, je vous dis à demain pour un nouveau départ, une nouvelle histoire. Bisous. La lecture du soir sur la radio des bons coins. La bonne lecture. Pour s'endormir. Toute l'équipe de la Radio des Bons Cons vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de ces programmes.